Alors, nous sommes avec les gens de Liaison, cette revue Recherche partisane transocéanique, intitulée Au nom du peuple, la première édition de la revue. Qui a envie de parler de ce projet? Mais en fait, on préfère ne pas l'appeler une revue. Au départ, on l'avait pensé comme une revue, mais au fil de la fabrication de l'ouvrage, parce qu'on n'avait pas d'idées extrêmement précises ou de méthode, tout ça, on a lancé une espèce d'appel à des amis, d'amis, qui finalement s'est répandu à l'international, à partir d'une question, voir quelles sont les formes locales que prennent le populisme comme phénomène transnational, comme phénomène politique planétaire, et voir quelles sont les résistances locales à ça. On a lancé cette question-là sans vraiment avoir une idée préconçue de ce que ça donnerait comme résultat. Mais au fil du temps, finalement, notre méthode s'est comme élaborée dans un jeu d'aller-retour avec les auteurs, qui fait en sorte que Liaison nomme plus un collectif anonyme d'auteurs à géométrie variable. Ça nomme un peu tous les gens qui ont participé au livre. Donc, même dans les métadonnées du livre, Liaison, c'est plutôt le nom de l'auteur que le nom d'une revue en tant que telle. Qu'est-ce qui serait central dans ce projet? Je pense que c'est justement la multiplicité des perspectives. Le fait qu'aujourd'hui, à notre époque, les phénomènes, évidemment, sont globaux. On entend parler depuis 15-20 ans, mais il reste que s'ils prennent consistance, si les choses finissent par se concrétiser, c'est aussi parce qu'ils ont une vie propre sur le plan local. Je pense que la force de ce projet-là, c'est justement de mettre en résonance les perspectives locales pour voir un peu qu'est-ce que ça peut informer sur notre condition contemporaine qui est beaucoup plus liée, liaison, justement, ça le dit, qui est beaucoup plus liée qu'on peut le croire, ou du moins qui est liée différemment, tu sais, qui n'est pas liée seulement par les grands flux, justement, des médias de masse ou du capital, mais aussi, justement, dans les manières de s'organiser, dans les perspectives sur le monde, et ainsi de suite. C'était Édouard Glissant qui disait que reconnaître notre mondialité, c'est peut-être la meilleure manière de combattre la mondialisation. Donc, c'est un peu à travers cette idée-là qu'on a pensé liaison. Comment penser une forme de partage international de nos luttes puis de nos expériences politiques qui sont de plus en plus alimentées par des phénomènes de type viral, contagieux sur Internet, ce qui mène à une certaine uniformisation aussi de la politique à un niveau mondial. Comment partager aussi les résistances locales face à ces phénomènes-là en prenant en charge une mondialité qui s'oppose à la standardisation des phénomènes. Donc, c'est une espèce d'attention dès le début qu'on a pu avoir puis qui finalement résonne dans pas mal tous les textes, une attention puis un soin à l'hétérogénéité aussi, à la différence, plutôt que d'arriver à des conclusions, voilà, de telles pratiques devraient uniformément être appliquées partout dans le monde face au même phénomène. Au contraire, les résistances doivent chaque fois s'ancrer dans une espèce de tradition locale, ce qui est précisément ce qui est attaqué par la planétarisation de la politique. C'est les formes spécifiques, les petits gestes, tout ça. Ben, je pourrais parler du processus comme de traduction. Ça a été beaucoup un travail de traduction aussi. Les textes arrivaient dans différentes langues. On a eu espagnol, on a eu du russe, de l'anglais, du français. Et un des buts du comité éditorial, c'est de faire justement ce travail de traduction de manière assez systématique, puis de rééditer les textes pour qu'ils soient compréhensibles pour les uns et pour les autres. Donc ça a consisté beaucoup à ça, aller chercher des gens un peu aux quatre coins du monde qu'on connaissait, ou que par des amis d'amis on connaissait, qu'on savait qu'il y avait des perspectives intéressantes à partager. Puis ensuite, de retraduire les textes dans l'anglais, le français. C'était vraiment important pour nous que ça soit pas juste disponible dans une seule langue, mais au moins deux, voire trois. Là, on pense à des éditions en espagnol, peut-être en russe, peut-être en italien, histoire de justement faire circuler ces récits-là vraiment de manière mondiale, justement. Est-ce que quelqu'un peut nommer des conditions dont on parle dans le livre? Des conditions. Les conditions de lutte, les projets de lutte. Qu'est-ce qu'on retrouve, quelques bribes intéressantes comme ça. La contribution qui vient du Japon, notamment, parle de comment la crise de Fukushima, en fait, a été un peu reçue, si on peut dire, de manière très différente dans les collectifs autonomes, anarchistes, radicaux, quoi que ce soit. Ça a créé toutes sortes de débats puis de chamboulements. Je pense que ça, c'est assez intéressant. C'est un peu à la pointe du contemporain, là, avec les catastrophes qui se multiplient. Il faut voir aussi comment ça peut créer des fissures dans nos propres manières de s'organiser et tout. Donc ça, c'est déjà intéressant. Puis bon, c'est pas un texte qui est uniquement sur les fissures aussi, là. Il parle de comment ils se réorganisent. Sinon, peut-être un des textes que j'ai beaucoup apprécié, c'était celui-ci sur la Catalogne. Qui peut vraiment, qui connecte beaucoup à ce qui se passe au Québec. Donc, comment une espèce d'élan, soudainement, pour un néo-nationalisme, finalement, il n'est pas si néo que ça, peut, et encore là, reconfigurer nos manières de s'organiser, puis ainsi de suite. Puis il faut, tu sais, c'est pas parce que en tant qu'anarche, il y a une critique du nationalisme qui est historiquement présente, qu'il faut s'attendre nécessairement à ce que, quand tout à coup, le populisme remobilise différentes formes de nationalisme, que tout le monde va être complètement opaque à ça, puis dire « Ah, ça nous atteint pas, on est en dehors de ça », tu sais. C'est un peu aussi ce que le texte Russie-Ukraine tente de montrer quand, justement, la guerre entre les deux pays est arrivée. Ça a repolarisé aussi un peu les choses. Fait que ça, c'est peut-être quelques contributions que je trouvais particulièrement intéressantes. On a été assez étonnés des résonances entre les différents textes, là. Juste par hasard, par exemple, le thème de l'Apocalypse est présent dans... En presque la moitié des textes, en fait. Il y a même le livre de D.H. Lawrence, d'Apocalypse, qui est cité dans trois textes différents, sans que ça ait été préparé d'avance. Mais en fait, sur cette question du populisme, parce que c'est quand même ça le thème, là, « Au nom du peuple », c'est le nom du livre, qui est mis en guillemets aussi pour une certaine distance. C'est important les guillemets là-dedans. C'est important les guillemets là-dedans, parce que finalement, c'est ça, l'espèce de mobilisation populiste de la figure du peuple arrive au moment où le peuple se trouve plus nulle part. T'sais. C'est un peu vouloir raviver son fantôme au moment où c'est plus très clair qu'est-ce qui est de l'ordre du populaire, ou c'est quoi un ensemble national, qu'est-ce que ça nomme exactement. Et le truc, c'est toutes les tendances là, de tous les différents pays qui ont écrit se retrouvent aussi dans un rejet de toutes les tentatives du populisme de gauche, qui va tenter de reprendre les mêmes armes que la démagogie de droite pour séparer le bon peuple du mauvais. Puis ben, qu'on pense ouais, au Syriza, Podemos, Québec solidaire, hein, ici. Il y a toute une lecture, même pragmatique ou même du machiavélisme politique, comme quoi ce qui mobilise en fait les masses, c'est parfois des référents un peu vides, tu sais, des mots comme liberté, égalité, machin, qui signifie pas grand-chose de palpable et de concret. Et le peuple est vraiment par excellence le terme vide un peu duquel se réclame la souveraineté. Hein. C'est toujours l'État qui va dire « je suis le peuple » ou « les Québécois pensent que c'est ce que peut faire le souverain, c'est parler au nom de l'ensemble d'un peuple ». Tandis que là, dans tous les textes, en fait, le populisme n'est jamais nommé exactement. Et le peuple non plus, c'est comme un espèce de sujet qui est central par son absence même. Puis finalement, c'est plutôt de biais qu'on voit dans chaque texte ce que peut vouloir dire le populisme. C'est toujours abordé, tu sais, justement, le populisme au Japon, par exemple, c'est la question de la nationalisation de la condition d'irradier. Là. C'est vraiment ça le thème de la politique là-bas maintenant. En Russie, c'est la mobilisation antifasciste d'État, tout ça, toute la confusion que ça peut amener face aux militants qui ont joint l'Ukraine pour combattre Poutine et ceux qui ont le fascisme de Poutine et ceux qui ont fait l'inverse pour combattre le fascisme occidental. Donc, à chaque fois, c'est une acception, une forme un peu différente que prend cette idée vide de populisme. Sauf pour certains moments, dans certains textes, ceux qui vont toucher l'autochtonie et la condition indigène, où là, par exemple, dans le texte mexicain qui est issu, c'est des camarades de Mexico qui sont liés au mouvement zapatiste, tout ça, puis ils parlent de la campagne présente là, d'une candidate issue du mouvement du Conseil national indigène qui est liée aux zapatistes, tout ça, et qui, en fait, tente de montrer comment cette campagne-là vise pas à prendre le pouvoir, mais au contraire à poser la question du refus de prendre le pouvoir. C'est plutôt une espèce de tentative pour créer des débats dans les communautés. Mais dans ce texte-là, par exemple, ça se retrouve aussi dans le texte sur le Québec où il est question des Autochtones ici. Déjà du fait que En espagnol, pueblo veut dire à la fois peuple et village. Il y a une espèce d'ancrage territorial. Quand on parle du peuple nahua, on parle aussi du village nahua, donc ça correspond au territoire. Donc ça, c'est peut-être les seuls moments où peuple semble vouloir dire quelque chose. C'est quand ça se dissout, justement, de l'espèce d'héritage humaniste pour nommer directement le territoire puis une manière de l'habiter. Donc ça, c'est peut-être les seuls points un peu positifs dans un océan de vide de peuple. Parlons du texte qui est plus proche de nous, qui porte sur les séparatismes québécois par rapport aux séparatismes autochtones. Est-ce que vous auriez envie de nous en parler un peu? Je peux peut-être dire de quoi. Ben, en fait, ouais, c'est un texte qui a été écrit par le collectif Anarchive. Donc, un collectif qui a fait des... Disons que ça a donné à des recherches dans certaines archives politiques des années 60, 70, des mouvements politiques québécois, et surtout ce qui était lié aux séparatismes, disons, radicaux. donc du FLQ jusqu'au IRM, etc., parti pris, etc. Et donc, ce qui a été développé par le collectif Anarchive, c'est une tentative, hein. C'est vraiment pas quelque chose qui est... C'est une expérimentation d'essayer de trouver dans ces traces-là, de ce passé-là, qu'on a tendance à ranger dans, un peu rapidement sous le joug de « bon, c'est un nationalisme qui a mal viré, c'était que l'histoire du PQ, c'était que l'histoire d'un nationalisme conservateur et xénophobe, etc. » Anarchive a essayé de dégager une autre vision, peut-être, de quelques traces très minoritaires, bien sûr, mais dans cette histoire-là, de tentatives d'autonomie plus locale, de tentatives plus révolutionnaires dans le discours et dans les pratiques. Et par la suite, ben, c'est ça, le texte a été écrit avec un peu ce qui avait été dégagé de ces recherches-là pour justement aboutir à une contre-histoire un peu du mouvement séparatiste au Québec et le mettre ensuite en lien avec justement le séparatisme dit autochtone, donc surtout Mohawk ici au Québec, qui a aussi eu des grands moments d'éclat et de montrer un peu comment ces deux mouvements-là, malheureusement, ne se sont pas rencontrés et ne se sont pas alliés alors qu'ils auraient pu le faire, mais justement à cause de certaines traces de modernisme et d'humanisme dans le mouvement séparatiste québécois qui ne permettait pas justement de reconnaître des formes de vie différentes sur le territoire. Et ce texte-là était important pour nous à mettre au monde parce que justement, on avait l'impression que malheureusement, dans les milieux anarchistes, radicaux d'aujourd'hui, il y a une peur de plonger dans l'histoire, de plonger dans les traces... pas toujours pures ou pas toujours parfaites des mouvements qui nous précèdent. Puis, on préfère se tourner vers parfois l'ailleurs pour s'inspirer, mettons, du Rojava, alors qu'ici, il y avait aussi des traces, il y a eu des tentatives qui ressemblaient à des tentatives autonomistes, socialistes, radicales et qui n'ont peut-être pas abouti et dont, on ignore beaucoup leur existence. Donc, on avait un peu aussi envie de faire ce travail de généalogie à travers ce texte. Je pense qu'on en a parlé un peu au début, mais est-ce que vous auriez envie d'étendre un peu plus sur les objectifs de ce projet-là? À la fois, c'est une tentative expérimentale d'essayer de mettre en lien des lectures, des perceptions venant de camarades d'un peu partout, à partir du postulat comme quoi, si les phénomènes politiques deviennent planétaires, ben, les formes qu'ils prennent localement, en fait, dévoilent aussi ce qui est partout possible, ce qui est présent de manière latente. Sur la question du nucléaire au Japon, les protocoles qui sont mis en place puis le traitement de la question est aussi quelque chose qui est à venir en France, par exemple, où il y a 67 ou plus centrales nucléaires là, qui pourraient exploser à tout moment. Donc, il y a une espèce d'écho comme ça qui montre c'est quoi les virtualités de ce qui vient partout. Mais à la fois, on veut partager ces trucs-là, évidemment, pour affiner un peu notre intelligence politique, mais c'est aussi un geste qui vise à mettre en lien vraiment les gens, à voyager, à mettre en circulation. C'est pas seulement écrire, c'est là où on a fait une petite tournée en France, parce que c'est sorti en France aussi, ça va sortir prochainement aux États-Unis, donc on va bouger là-bas, on va faire venir les auteurs mexicains, par exemple, aux États-Unis, qui puissent rencontrer les gens aussi. Là, par exemple, la grande absente du premier numéro, là, c'est il n'y a pas de texte africain, par exemple. Mm-hmm. Donc, quand on était en France, c'était vraiment la grosse recherche pour essayer de trouver aussi c'est quoi les liens avec le continent africain, puis essayer de mettre tout ça ensemble. Donc c'est un projet qui pourrait prendre plein de formes, mais qui nous paraît effectivement nécessaire. C'est une opportunité de rencontre un peu, puis de se mettre au travail sur des hypothèses partagées. Je pense que c'est important de dire aussi que ça va être édité ailleurs aussi, puis notamment là, il va y avoir une version en anglais. Bien, c'est pas mal un des premiers projets à ce qu'on sache. Dans une lecture, comme je peux dire, autonome, d'un certain type assez singulier de communisme et tout ça, je pense que c'est important d'essayer aussi de partager des trucs quand même largement, d'avoir justement des points de rencontre, de discussion communs. Puis c'est le début de quelque chose. Je pense qu'on voit ça vraiment comme le premier numéro. Ça a été fait avec une très petite équipe, avec des coordinations des fois pas évidentes, vous pouvez imaginer, sur trois continents et tout ça. Mais je pense que ce projet-là a déjà une belle résonance, puis ça va juste faire, j'ai l'impression qu'il y a d'autres gens qui vont s'intéresser à ça, puis qui vont peut-être avoir envie de joindre. Fait que pourquoi pas un prochain numéro avec, en effet, des textes en provenance de différentes zones d'Afrique, peut-être même des zones encore où on a des gens qu'on connaît pas encore qui pourraient être intéressés par le truc. C'est le début de quelque chose. C'est là aussi le caractère expérimental de la chose, où le collectif éditorial, par exemple, de Liaison, là, qui inclut des gens à New York, à Montréal, puis... puis à Paris pour l'instant. On va tenter de l'ouvrir aussi aux Mexicains, tout ça. Là, on a quand même contribué, on a tous écrit des textes aussi dans le numéro, mais on aimerait bien à l'avenir même pouvoir s'effacer pour laisser place à des textes un peu partout, mais s'impliquer plus dans la révision, tout ça, puis dans des échanges avec l'auteur, prendre vraiment le temps de réfléchir ensemble les situations, puis même que les auteurs de différents pays puissent se commenter entre eux pour finalement que ça devienne... C'est pour ça que Liaison, c'est le nom du collectif d'écriture à géométrie variable, pour que ça devienne vraiment un texte qui est approprié partout, là. Donc, c'est là aussi le niveau de l'échange, quand même, où on aimerait l'amener. Là. Donc, depuis la publication de la revue, il y a une publication en France suivie d'une tournée, une publication au Québec avec des présentations, dont une, je sais pas si c'est la seule, en tout cas, il y en a une à la Coop des récoltes. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres au Québec en ce moment. On est en train d'en organiser une à Québec. Les gens de la librairie La Page Noire nous ont contactés. Puis sinon, il va falloir en parler, mais oui, on est ouvert et ouverte aux invitations. Diverses. Je pense qu'on a envie de se promener avec ça, que ce soit un projet qui... Quand est-ce qu'il sort aux États-Unis, en fait? Au courant de l'été, sans doute vers la fin de l'été. Là. Bon. Ouais, ouais. Fait que, déjà là, il y aura peut-être même des choses qui vont pouvoir se faire aux États-Unis aussi, avec les amis là-bas. Puis, Ça m'a amené à la question, quelle a été la réaction, ou quelles ont été les réactions à cette publication, à la lecture? Bien, à date, on peut juste parler du Québec et de la France, parce que c'est sorti seulement ces deux endroits, mais ça a été très, très positif, la réception. Les endroits où on a fait des présentations, évidemment, c'était déjà des endroits politiques où les gens sont déjà d'emblée impliqués au courant de ces cadres d'analyse-là. Là. C'était pas juste n'importe quelle librairie. Et évidemment, ça densifie les liens, les échanges possibles, la communication entre différentes villes, en différents pays. Et je pense que c'était vraiment une nécessité que beaucoup de gens sentaient déjà depuis longtemps, que c'est bien d'avoir des amitiés, c'est bien d'avoir du monde qui voyage, qui circule, qu'on rencontre, puis qu'on on garde un petit lien comme ça. Mais il y a une nécessité de systématiser nos dialogues, nos débats aussi, de vraiment avoir un endroit pour débattre de certaines choses, puis de ne pas être d'accord, t'sais. Que ça ne se fasse pas juste dans des petites conversations. Donc là-dessus, les gens trouvaient ça tout à fait pertinent, étaient vraiment heureux en fait, de pouvoir lire des contributions de super loin, du Japon, au Mexique, du Québec. Ils se connaissaient très peu, évidemment, l'histoire du Québec. La situation québécoise, donc vraiment des découvertes pour beaucoup de gens. Il y a une grande curiosité, donc je pense que c'est aussi, on vit un moment, j'espère, en tout cas, on vit un certain moment de décentrement à travers Liaison aussi. Il y avait beaucoup une tradition de recevoir des textes d'Europe, surtout de France, puis tu sais, comme que les grands intellectuels se trouveraient là un peu, et que les autres endroits sont en périphérie, ils font que recevoir, ils réinterpréter, tu sais. Et c'est toujours un peu le problème du mouvement révolutionnaire. Et là, avec Liaison, on essaie de partir de juste la multiplicité des endroits, de toutes les expériences hétérogènes qui se font ailleurs, puis de les rapporter vers les centres, tu sais, puis de dire, ben ça aussi c'est pertinent, il y a des analyses qui se créent là qui sont hyper singulières. Donc de partager ça un peu. Ce décentrement-là, par exemple, arrive aussi à point nommé parce que, disons, en France, dans toutes les discussions, quelque chose qui préoccupe pas mal tout le monde avec le mouvement là, contre la loi travail en 2016 et qui se poursuit un peu cette année contre Macron, c'est vraiment la question de la possibilité de gagner une lutte. Est-ce que c'est encore possible ou comment c'est possible? Dans quelle mesure est-ce que tu peux considérer avoir gagné quelque chose qui se pose pour les mouvements sociaux sous leur forme classique? Qui en France, c'est vraiment, ils appellent ça, après des élections, ça va être le troisième tour social où il y a toujours le printemps chaud ou l'automne chaud. Il y a une espèce de caractère national très, très centralisé aux mouvements sociaux, les grandes manifs à Paris, les grandes organisations, machin, qui là apparaissent frapper des limites du fait de, même si 2016 c'était le plus gros mouvement vraiment depuis 68, puis beaucoup plus long même que 68, a eu absolument aucun gain. Donc c'est aussi ça la question de... Puis ça, parallèlement avec aussi un peu le morcellement de la souveraineté des États, justement un truc comme Syriza en Grèce n'a pas été capable de réaliser ne serait-ce qu'une parcelle de son propre programme. Les États eux-mêmes disparaissent, donc ça amène l'exigence de penser vraiment une autre forme de politique où finalement on peut être ici au Québec plus en lien. Par exemple, politiquement, ça peut être plus intéressant de se penser ici en lien avec la Colombie où des minières canadiennes sont actives qu'avec telle région de Toronto à côté où finalement il n'y a pas vraiment de trucs à faire. C'est comme une fois que l'économie est vraiment régnante à un niveau planétaire, ça, tous les couloirs énergétiques se déplacent aussi par-delà les États-nations. Ça exige de nous qu'on pense autrement à la politique contre d'autres ennemis et avec d'autres amis aussi, quoi. Bon, ça va être la dernière question, mais comment on peut se procurer la revue? La revue qui n'est pas une revue. La revue qui est un livre avec plusieurs déclinaisons, si on veut, bien, en fait, c'est publié aux éditions Saboteur au Québec. Le plus simple, je pense, c'est d'aller dans les librairies autonomes de Montréal ou de Québec. Le livre va être disponible à Québec dans 2-3 semaines. Une librairie autonome, ben, pour en nommer quelques-unes, il y a Zone Libre, L'Insoumise, le Port de Tête, et ainsi de suite. Et sinon, pour les gens à l'extérieur de Montréal et Québec, le plus simple reste de commander via notre plateforme de vente en ligne, Le Pressier, qui est une plateforme où plusieurs éditeurs indépendants et autonomes proposent des livres. Donc, ça vaut même la peine d'aller un peu fouiner là-dessus en général. Il y a plein de trucs intéressants. Merci. Merci. Merci.